Tahitou. Mon bonheur n'est pas partout. J'ai connu des femmes dans ma vie. Il y en a une quand même qui m'a ravi. Je me réveillais ce matin. Dans ma tête, son nom me revient. Cette fille s'appelle Itou. Je l'ai connue dans ma jeunesse. Je l'aimais parce qu'elle me rendait fou par son charme et sa tendresse. Je me souviens de toi, Itou. Je ne t'oublierai plus du tout. J'ai faussé Itou pour mieux trouver la jolie, la belle pour marier. Par-dessus la fille que j'ai cherchée, mais jamais personne m'a gagné. Chaque fois que j'étais déçu, je me rappelle de Maïtou. Comme mon amour, je reste têtu. C'est Maïtou qui me rend. Pas partout. J'ai connu des femmes dans ma vie. Il y en a une quand même qui m'a ravi. Je me réveille un matin. Dans ma tête, son nom me revient. Cette fille s'appelle Itou. Je l'ai connue dans ma jeunesse. Je l'aimais parce qu'elle me rendait fou par son charme et sa tendresse. De toi, Itou. Je ne t'oublierai plus du tout. J'ai faussé Itou pour mieux trouver la jolie, la belle pour marier. Par-dessus la fille que j'ai cherchée, mais jamais personne m'a gagné. Chaque fois que j'étais déçu, je me rappelle de Maïtou. Comme mon amour, je reste têtu. C'est Maïtou qui me rend. Je reviens ce jour vers toi, tout amour, tout cœur à toi, mon dernier rêve c'est toi. Cœur blessé, toutes mes mains pleines de sang, je m'avance le corps tremblant et tout mon regard devant. Chérie tout, je n'ai pas trouvé mieux que toi et je suis pris par ton pouvoir. Maïtou, pardonne-moi. Oh Itou, comme j'ai perdu tout mon temps, je reviens chemin faisant, sans recul je veux dehors.